Des milliers de mineurs sont recrutés de force par les cartels au Mexique. Certains sont enlevés devant leur école, d'autres séduits via des jeux en ligne ou les réseaux sociaux. À Jalisco, un centre d'entraînement du cartel CJNG, surnommé l'école de la terreur, formait des adolescents en tueurs à gages. Ces jeunes, souvent issus de milieux défavorisés, n'ont que deux options, obéir ou disparaître.